Voici votre butin régional. L'humoriste et imitateur Steve Diamond sera en spectacle au Centre culturel Distinguis le 9 janvier dans le cadre d'une activité célébrant les 30 ans de Virage santé mentale. Pour information, 819-832-4404 ou 819-877-2674.